الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد قبل أن نتطرق إلى غزوة الحديبية ندعو الله لأخينا ولوالد أخينا يوسف أبي أنس الداعية المعروف حفظه الله تعالى فقد توفي والده قبل أيام وصلي عليه في هذا اليوم المبارك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يرفع درجاته في الجنة وأن يصبر من ترك من أهل وأولاد. Donc avant de, après avoir lu Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son noble prophète Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, avant de commencer Ghazwatul Hudaybiyah, on invoque en faveur du père de notre frère Youssouf Abu Anas, hafidhahullahu ta'ala, du fait qu'il, son père est décédé il y a de cela quelques jours, et aujourd'hui, après la prière du Jumu'ah, c'était la prière sur son père, et c'était une personne pieuse et vertueuse. Nahsabu kadhalik wallahu hasibu, wa la nuzakki ala Allahi ahada. Et son père était une personne pieuse qui était présent à la mosquée, lecteur du Coran. Et parmi les plus grandes hasanat de la personne, après son départ, de son vivant, et lors de sa mort, après son départ, comme vous le savez tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ida mata ibn Adam in qata'a amalu illa min thalath » Lorsque le fils de Adam décède, toutes ses actions s'arrêtent, sauf trois. Sadaqatin jariya, une aumône qui perdure. Ou ilmin yuntafa'u bih, une science de laquelle on continue à tirer profit. Wa waladin salih yad'u lah, et un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. Et alhamdulillah, ce cher père a laissé des garçons qui sont à la sunnah et qui sont pieux, nahsabuhum kadhalik wallahu hasibuhum, et des filles chastes et pieuses, hafidhahumullah jami'an. Ainsi on invoque Allah tabaraka wa ta'ala en leur faveur et on demande à Allah de leur accorder endurance, car certes le fait de se séparer du bien-aimé et des parents est une très lourde épreuve. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et c'est à Allah que nous appartenons tous et c'est vers lui que se fera notre retour. Et il y a dans cela une exhortation pour chacun d'entre nous, car son cher père n'avait pas une maladie grave particulière et ses proches ne s'attendaient pas à cela. Mais seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le terme de chacun d'entre nous et personne ne saurait le repousser. On doit donc tous se préparer en prenant nos provisions de ce bas monde, à savoir la science utile, les actions pieuses, le repentir sincère de chaque péché, le fait de prendre ses provisions pour la rencontre d'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne d'entre nous ne sait quand est-ce qu'il va quitter ce bas monde. والله المستعان. وبعد الحديبية. Nous allons entrer dans une grande partie de l'histoire, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu lieu à la fin de l'an 6 après Al-Hijra, qui est Al-Hudaybiyya. On dit Al-Hudaybiyya ainsi, sans shadda sur le ya, et on dit al-Hudaybiyyah également avec une shadda. Ce sont deux façons de prononcer ce nom. واختلف أهل العلم في الحديبية أهي غزوة أم صلح. Et les savants ont divergé quant à l'appellation de cela. Dans certains livres d'histoire, tu trouves Ghazwatul Hudaybiyyah. Ghazwatul Hudaybiyyah. C'est donc une expédition militaire. Tu trouves aussi Sulhul Hudaybiyyah, la conciliation et le pacte de Al-Hudaybiyyah. Ou Umratul Hudaybiyyah, la Umra de Al-Hudaybiyyah. Ainsi, certains savants ont dit Amrul Hudaybiyyah ou bien Qissatul Hudaybiyyah pour sortir de ce problème. Certains ont dit l'histoire de Al-Hudaybiyyah ou l'affaire de Al-Hudaybiyyah. Tout cela a été mentionné par les historiens et les personnes de science. Et sans aucun doute, ils sont partis pour faire l'Umra. Sans aucun doute, à la base, ils sont partis pour faire l'Umra. Comme on le verra, ils se sont mis en état d'Ihram à Dhul-Hulayfa, le miqat des gens de l'Madina, le miqat des gens de l'Madina. Aussi, sans aucun doute, on peut l'appeler Ghazwatul Hudaybiyyah. Pourquoi? Car cela a été mentionné par Sahaba. Car cela a été mentionné par As-Sahaba radiallahu anhum. Cette appellation a été mentionnée par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces deux points-là, il n'y a pas de doute dessus. C'est qu'ils sont sortis pour faire l'Umra et que c'est qu'elle s'appelle aussi Ghazwatu al-Hudaybiyyah. Parmi les preuves de cela, ce que rapporte l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala an Salamata ibn Aqwa' an Salamata ibn al-Aqwa' qala ghazawtu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sab'a ghazawat. Salamatu Ibn al-Aqwa' nous dit, j'ai participé à sept guerres ou sept expéditions militaires avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les sept, il a cité Al-Hudaybiyyah. Il a cité Al-Hudaybiyyah. Donc voici la parole des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Également dans le recueil de l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala, on trouve le hadith de Qatada radiallahu anhu dans lequel il nous dit qu'il a participé à des razawat avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Parmi celles-ci, Ghazwatul Hudaybiyyah. Et l'imam al-Bukhari, pour finir sur cela, rahimahullahu ta'ala, a intitulé un de ses chapitres Bab Ghazwatul Hudaybiyyah. Ghazwatu al-Hudaybiyyah. Qu'en est-il de cette appellation al-Hudaybiyyah? Al-Hudaybiyyah bi'r. Al-Hudaybiyyah, c'est un puits. Sachez que al-Hudaybiyyah est un puits. Puits, dans le sens par la suite, la ville, l'endroit a été appelé par l'appellation du puits. On a appelé l'endroit tout entier Al-Hudaybiyyah. Mais à la base, c'est le nom du puits qui se trouvait dans cet endroit. C'est à environ 220 km de Mecca. Environ 200 km de Mecca. À l'ouest de Mecca, si mes souvenirs sont bons. Et le nom d'Al-Hudaybiyyah a changé aujourd'hui en Arabie, c'est Shumaisi. C'est Shumaisi, c'est le nom d'un homme qui a fait un forage ou un puits. Par la suite, on a donné ce nom à la ville ou à l'endroit. Est-ce que Al-Hudaybiyyah fait partie du haram, du territoire sacré ou bien du hil? L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dit une partie de l'Hudaybiyyah se trouve à l'intérieur du haram et l'autre partie de l'Hudaybiyyah se trouve à l'extérieur du haram. En quelle année a eu lieu l'Hudaybiyyah? Elle a eu lieu, sans aucune divergence, Sanata sit min dhil qi'da. En l'an 6 du mois de Dhu al-Qi'da. Et c'était un lundi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Medina. Donc il est sorti de Medina un lundi dans le mois de Dhu al-Qi'da en l'an 6 après al-Hijra. En l'an 6 après l'Hijr. Et dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, Anas ibn Malik a été questionné. Combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli l'Umrah? Combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli l'Umrah? Qu'a répondu Anas? Qu'est-ce qui répond à cette question? Une plus facile. En introduction, combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il accompli al-hajj? Combien de fois? Une fois. Et on le surnomme hajjatul wada'. Il a fait une seule fois le hajj sallallahu alayhi wa sallam et on l'appelle hajjatul wada'. Et combien de fois a-t-il accompli l'umra? T'as accompli combien de fois l'umra, Karim? Et toi? T'as fait... Voilà, tu l'as fait une fois. Taïr. Donc, qui a la réponse pour l'Umrah? 4 fois, Ahsant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, i'tamara arba'ata Umar. Le prophète alayhi wa sallam a fait 4 fois l'Umrah. Anas ibn Malik nous dit, et parmi celles-ci, Umratul Hudaybiyyah. Parmi celles-ci, Umratul Hudaybiyyah. Donc voici la preuve de tout ce que nous avons mentionné. Et Umratul Hudaybiyyah, c'est la fois où les associateurs l'ont empêché d'avoir accès ou l'ont empêché d'accéder à Al-Masjid Al-Haram. Aussi dans le recueil de l'imam Al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma nous dit que l'Hudaybiyyah a eu lieu en l'an 6 après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à Al-Madina, fi shahri dhil qi'da. Fi shahri dhil qi'da. Ibn Kathir, al-Nawawi et d'autres ont dit qu'il y a le consensus des gens de science à ce sujet. Il y a le consensus que cette sortie a eu lieu en l'an 6. Quelle est la cause de l'Hudaybiyyah? Ru'ya ra'aha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. C'est une vision qu'Allah a montrée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et revenez pour cela à Sourate Al-Fath. Revenez pour cela à Sourate Al-Fath. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous en parle. Dans le recueil de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, on nous rapporte que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont sortis pour Al-Hudaybiyyah et n'avaient aucun doute sur l'ouverture qu'allait leur accorder Allah subhanahu wa ta'ala suite à une vision qu'a vue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils vont entrer au Masjid al-Haram, ils vont faire le tawaf, et ainsi de suite. Et dans le Coran, laqad sadaqa Allah wa rasulahu ru'ya bil haqq. طيب، lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu sortir pour Al-Hudaybiyah ou pour Al-Umrah, il a appelé les compagnons à se réunir, bien qu'ils ne sortaient pas pour la guerre. Puis il a appelé les tribus arabes et de Arab à Al-Madina et autour d'Al-Madina. Pourquoi ? De peur que Quraysh les empêche d'avoir accès au Masjid Haram et d'accomplir Al-Umrah. Ou de peur que Quraysh ne sorte à leur rencontre pour les attaquer. Alors il a appelé les tribus voisines et les tribus internes. Mais très peu parmi elles ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils ont prétexté toutes sortes d'excuses, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé le contenu de leur cœur, leurs pensées et leurs intentions. Le prophète alayhi salatu wassalam est sorti avec un sahab et il a emporté les bêtes à sacrifier pour Allah tabaraka wa ta'ala. Saqa ma'ahu al-hadi. A Dhul-Hulayfa, il s'est mis ainsi que sahaba en état d'ihram. Il s'est mis ainsi que sahaba en état d'ihram. Mais la première chose qu'il fit arriver à Dhul-Hulayfa, c'est d'accomplir la prière. Et dans certaines versions, on nous montre que c'est la prière du Dhahr. On nous montre que c'est la prière du Dhahr. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ce que les Bédouins cachaient en eux dans Surat al-Fath, le verset 11-12. Sayaqulu laka al-mukhallafuna min al-a'rab shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Ceux des Bédouins qui t'ont laissé en arrière te diront, donc ceux qui ne t'ont pas accompagné, nos biens et nos familles nous ont retenus, implore donc pour nous le pardon. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Ici Allah subhanahu wa ta'ala les blâme, car ils n'ont pas accompagné, ils n'ont pas secouru le prophète alayhi salatu wassalam dans sa sortie. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis, qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah, s'il veut vous faire du mal ou s'il veut vous faire du bien? Mais Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Vous pensiez plutôt que le messager et les croyants ne retourneraient jamais plus à leur famille. Et cela vous a été embelli dans vos cœurs. Et vous avez eu de mauvaises pensées et vous fûtes des gens perdus. Ici Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que la cause est qu'ils ont une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont pensé qu'Allah allait laisser son messager et n'allait pas lui accorder le secours. Donc c'est une chose très grave de ne pas secourir le prophète alayhi salatu wassalam, de ne pas répondre à l'appel d'Allah azza wa jal et de son messager alayhi salatu wassalam. Donc Allah les a blâmés de la sorte. Le prochain point, adad al-sahaba alladhina kanu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quel était le nombre des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce grand moment d'histoire? Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, l'imam Muslim et d'autres nous rapportent plusieurs versions qui nous informent du nombre des sahaba qui ont été en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. On nous dit qu'ils étaient entre 1300 et 1900 dans un premier hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Le mot bid'a signifie le chiffre entre 3 et 9. On nous dit bid'a asharata mi'a, c'est-à-dire entre 1300 et 1900. Dans le hadith d'Abdullah ibn Abi Awfa, radiallahu anhu, on nous dit qu'ils étaient 1300. On nous dit qu'ils étaient 1300. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahimahumallah. Un autre hadith, toujours dans le recueil de l'imam al-Bukhari, on nous dit qu'ils étaient 1400 et plus encore. Ils étaient 1400 et plus. Donc voici encore une information. Dans le hadith de Salama, dans le recueil de l'imam Muslim, on nous dit 1400. On nous dit aussi 1400. Pareillement, dans le hadith de Ma'qil ibn Yasar, dans le recueil de l'imam Muslim, 1400. Donc la plupart des hadiths nous informent qu'ils étaient environ 1400. Ils étaient environ 1400. Dans un autre hadith, dans le hadith de Jabir, on nous dit 1500. On nous dit 1500. Puis, il y a d'autres hadiths, mais en partant des faiblesses, qui nous informent d'autres chiffres, qui sont loin de celui-ci, par exemple le 700. Dans un hadith faible, près de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, où on nous dit bien plus que 1500. Mais comme vous l'avez entendu, la plupart des versions nous informent qu'ils étaient environ 1400. Comment unir entre tout cela? Comment unir entre eux ces différentes paroles, sachant qu'il y en a plusieurs qui sont authentiques? Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, nous dit: on peut unir entre tout cela. Car certains parmi les savants ont plutôt préféré faire at-tarjih, choisir l'avis prépondérant. Al-Hafidh ibn Hajar nous dit non. Car la règle dit que al-jam' awla min at-tarjih. La première étape, après avoir vérifié l'authenticité des textes, l'étape la plus forte chez les savants, et d'unir les différentes versions pour donner un avis. Car de prendre tous les textes est meilleur que d'en délaisser certains, n'est-ce pas? Si tu n'arrives pas à faire cela, bien que tous ces textes-là soient authentiques, à ce moment-là seulement, si tu n'arrives pas, s'il n'y a pas un nasir ou al-mansour et ainsi de suite, tu dois faire at-tarjih. Les gens de science font at-tarjih, ils sont obligés de choisir un avis. Comme l'a fait, comme l'ont fait certains savants, si mes souvenirs sont bons, l'imam al-Bayhaqi. Al-Hafidh ibn Hajar nous dit non. Ici, on unit ces différentes versions en disant: ils étaient plus de 1400. Que faire des hadiths qui ont dit plus de 1400? On arrondit, c'est pour cela qu'on a cité 1400. Ceux qui ont dit 1500, ils ont arrondi. Est-ce que c'est compris? Plutôt que de dire 1420, 1480, 1400, ils ont dit 1500 directement. Et ça, c'est connu chez les Arabes. Et ça, c'est connu chez les Arabes. Qu'en est-il de ceux qui ont dit 1400? Ils ont fait la même chose. Sauf qu'au lieu d'aller à 1500, ils sont allés à 1400. Donc, soit ils ont complété pour arriver à 1500, soit ils ont enlevé pour arriver à 1400. Voici la réponse de Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. C'est son avis, l'avis d'autres parmi les gens de science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc sorti avec les compagnons et son armée radiallahu anhu. Ils sont arrivés à Dhul-Hulayfa. Qu'est-ce que Dhul-Hulayfa? Dhul-Hulayfa, c'est le miqat des gens de Médine qui veulent accomplir le Umrah ou bien le Hajj, ou toute personne qui passera par cet endroit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a accompli la prière ainsi que les compagnons avec lui radiallahu anhum. Lorsque Jabir radiallahu anhu a été questionné, est-ce que vous avez prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la grande allégeance connue sous le nom de Bay'atul Ridwan. Bay'atul Ridwan, l'allégeance qui a été faite sous l'arbre, qui est mentionnée dans le Coran. Ils ont demandé à Jabir, radiallahu anhu, est-ce que vous avez fait le bay'a au prophète, alayhi wa sallam, à Dhul-Hulayfa? Il a dit non, mais il y a accompli la prière. Non, mais il y a accompli la prière. Quelle était cette prière? Il nous est parvenu que c'est la prière du Dhuhr. Que c'est la prière du Dhuhr. Mais ce n'est pas à cet endroit qu'ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On verra à la fin la cause de cette allégeance. La cause de cette allégeance, insha'Allah ta'ala. Donc il a accompli la prière sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, qallad al-hadi. Qallad al-hadi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cerclé le cou des bêtes qui étaient destinées à être sacrifiées pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'on les reconnaisse. Donc il a mis un collier au cou de ces bêtes afin qu'on reconnaisse et qu'on les distingue et qu'on sache que ces bêtes-là sont destinées à être sacrifiées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, Ash'ara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ash'ara, Mada, il les a marqués. Il les a marqués. Alors, on brûle un Mada du fer et on met cela au sommet de la face de la bête. On la marque ainsi. Naam, c'est une sunna de Al-Hadi. Tout cela fait partie de As-Sunnah. Puis il s'est mis en état d'Ihram. Et il s'est dirigé vers Mecca. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Combien de bêtes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé pour Al-Hadi? Dans le recueil d'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, on trouve qu'il y avait 70 bêtes. On trouve qu'il y avait 70 bêtes. Ainsi, on voit que le fait de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala en achetant une bête pour la sacrifier pour lui fait partie des adorations qui doivent être faites exclusivement pour lui. Comme Allah nous le dit dans le Coran, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Prie donc pour ton sacrifice, pour ton Seigneur, et sacrifie, et immole. Il nous dit également, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dit, certes, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Donc, الذبح et النحر font partie des grandes adorations aimées chez Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre la bête, de dépenser de son argent, de prendre la bête et de la sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala afin de se rapprocher de lui. Celui qui prend une bête et la sacrifie pour un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala aura commis un acte très grave, ash-shirku billahi al-azim, un acte de polythéisme majeur, car l'adoration est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Et celui qui prend une adoration et la donne à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala aura commis ash-shirk. C'est le péché le plus grave. Et comment est-ce qu'on pourrait être distrait d'avertir les musulmans de ce grave péché, sachant qu'Allah nous montre la gravité, la dangerosité et la mauvaise fin, la mauvaise finalité de celui qui tombe dans le polythéisme. N'a-t-il pas dit dans le Coran وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Et il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu commets du polythéisme, toutes tes actions deviendront vaines. Et tu seras du nombre des perdants, mais c'est plutôt Allah qu'il faut adorer. Et sois donc du nombre des gens reconnaissants. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tout comme dans Sourate Az-Zumar, Allah dans Sourate Al-An'am, après avoir fait l'éloge d'un nombre de ses messagers et prophètes, il nous dit, s'ils avaient commis du polythéisme, leurs actions seraient devenues vaines. On parle des prophètes qui sont ma'soumoun, sont préservés. On les a préservés du polythéisme. Malgré ça, voici la menace d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit également, إِنَّهُ مَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُمْ نَارُ وَمَا لِظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Certes, celui qui commet un acte de polythéisme, celui qui associe à Allah, Allah lui interdit d'entrer au paradis. Sa destination sera l'enfer. Et il n'y a pas de secoureur pour les injustes. Ces textes nous montrent quoi? Ces textes nous montrent la gravité du shirk. Ces textes nous montrent que ça annule les actions. Ça interdit l'entrée au paradis. Allah nous montre même dans le Coran qu'il ne pardonne pas ce péché. Alors qu'on sait que c'est le Ghaffar, le grand pardonneur, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Malgré cela, il a décrété, décidé qu'il ne pardonnait pas le shirk. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui il le veut. Comment est-ce qu'après ces textes, on peut entendre des gens s'affiliant à la prédication dire qu'il faut passer à d'autres sujets? Et il ne faut pas avertir contre le shirk. Les gens sont musulmans. Pourquoi les avertir contre le shirk? Pourquoi les avertir contre le shirk? Parce qu'Allah, notre Seigneur, le Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala, a averti son messager contre le shirk. Son messager contre le shirk. Et ceux qui étaient à son époque étaient les meilleurs des croyants sahaba, qui sont meilleurs que nous. Ils sont meilleurs que nous et ce sont les héritiers des prophètes, radiyallahu anhum. Malgré cela, le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, les a avertis contre le shirk. En disant, akhwafu ma akhwafu alaykum, ash-shirkul asghar. Ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Certains parmi les savants disent, s'il a redouté pour eux le shirk mineur, le polythéisme mineur, alors nous on a peur pour nous du shirk akbar. Et comment est-ce qu'on pourrait se sentir à l'abri du polythéisme après que l'imam des Hunafa, le père des prophètes, celui qui a cassé les idoles de sa main, celui qui était une communauté à lui tout seul, Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, dans Sourate Ibrahim, la sourate qui porte son nom, celui qui nous dit وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَ أَنَّ عَبُدَ الْأَصْنَى رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Ibrahim alayhi salam invoque Allah et a peur du shirk. Et il dit, éloigne-moi moi, ainsi que mes enfants ou bien ma descendance, de l'adoration des idoles. Ash-shirkul wadih al-jali. Le polythéisme évident, comme le Bouddha et autres, des représentations adorées en dehors d'Allah. Ibrahim a eu peur de cela. Et il demande à Allah de l'en préserver, de l'en éloigner. Puis il dit, ô mon Seigneur, elles ont égaré bon nombre de tes serviteurs, ou bon nombre parmi les gens. Et lorsqu'une épidémie a lieu, lorsqu'une maladie se répand et qu'elle touche beaucoup de personnes, ça fait peur. Parce que tu peux toi être touché si Allah ne te préserve pas. Lorsque tu entends une maladie qui sévit, qui touche, qui se répand, ça fait peur. Et le shirk, c'est la maladie la plus répandue. Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Wa ma aktharu an-nas walau harasta bimu'minin. Wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Dans sourate Yusuf, Allah Azza wa Jalla nous dit: et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. C'est-à-dire, ils reconnaissent que c'est Allah le Seigneur des mondes, mais ils lui donnent des associés dans le culte. Puis tu trouves un ignorant dire, ignorant du dîn, ignorant de l'histoire, ignorant du Coran et de son tafsir, ignorant de la parole du prophète, des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, et de l'explication des sahaba, ignorant de la voix des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et de l'héritage des prophètes, ignorant des paroles des savants et de leurs explications, dire, il n'y a plus lieu de parler du shirk, les gens sont musulmans. Oh toi l'ignorant, les gens restent musulmans parce qu'ils connaissent le shirk et s'en préservent. Mais dans le cas où ils n'étudient pas le shirk et on arrête de parler du shirk, on arrête d'expliquer le shirk, si la science part, les gens tombent dans la faute. Et c'est ainsi qu'est né le polythéisme à l'époque où à laquelle a été envoyé Nuh alayhi salam, comme le dit Abdullah ibn Abbas. Lorsque la science a été oubliée, à ce moment-là, que s'est-il passé? Ils ont adoré Wad, Suwa', Ya'outh, Ya'outh, Nasr, comme c'est dans Surat Nuh, alayhi salam. Donc il ne faut jamais arrêter de mentionner ces choses-là et avertir la communauté et leur apprendre le pire des péchés. Si tu avertis les gens contre la désobéissance envers les parents, car Allah se met en colère contre celui qui désobéit aux parents, que dire alors de celui qui veut le bien pour la communauté et qui va avertir les gens de ce qui les fait sortir de l'islam? C'est plus à même d'être mentionné ou pas? Subhanallah. Tu apprends à l'enfant la chose qui va le blesser, mais tu ne vas pas lui apprendre la chose qui peut le tuer. Famalakum kayfa tahkumun. Comment est-ce que ces gens raisonnent? Est-ce qu'ils veulent le bien pour la communauté ou bien les égarer? Ou sont-ils eux-mêmes égarés et veulent égarer le reste de la communauté? Ça, c'est la voie du Coran. C'est la voie de la Sunna. C'est la voie des pieux prédécesseurs et c'est la voie des savants jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais malheureusement, des gens veulent nous distraire et nous éloigner volontairement ou involontairement de cette voie noble, de cette voie pure, qui est enseigné dans le Coran, dans Sourate Al-Fatiha, puis dans Sourate Al-Baqara, puis dans Sourate Al-Nas. Le fait d'enseigner aux gens le bien pour qu'ils le suivent. D'enseigner le mal pour qu'ils s'en prémunissent et s'en éloignent. Et lorsqu'on enseigne aux gens le shirk sous toutes ses formes, on ne prétend pas qu'ils ne sont pas musulmans. Allah Azza wa Jal révèle le Coran et enseigne au prophète alayhi salatu wassalam les différentes formes de shirk. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas musulman? Est-ce que ça veut dire qu'on l'accuse d'être un associateur? Pas du tout. Subhanallah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend sahaba le mal, est-ce que ça veut dire qu'il les accuse de faire le mal? Ou bien il les aime, il a pitié d'eux, il veut qu'ils le connaissent pour s'en prémunir, puis avertir ceux qui viendront après. Donc il nous faut apprendre comme a pris sahaba radiallahu anhu et ne pas sortir de cette méthodologie en entendant de plaisants discours en apparence. Mais là, réalité de ces choses et de ces nouveaux prêches, du'atun ila abwa bi jahannam, du'atun ila abwa bi jahannam. Mais en réalité, ce sont des gens qui appellent aux portes de l'enfer. Celui qui vient avec un nouveau prêche, celui qui vient avec une nouvelle méthodologie, il tombera dans l'exagération, il tombera dans l'extrémisme, puis il s'égarera et égarera les autres. Fa'alayka bil amri al-atiq. Reste sur la voie ancienne, l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la route. Wa ba'atha 'aynan ila Mecca. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une personne à la Mecque pour le tenir informé des agissements de Quraysh et de leurs intentions. Est-ce qu'ils comptent le combattre? Est-ce qu'il compte l'empêcher d'entrer à Mecca? Ou bien, que pense-t-il faire? Dans le rukya de l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme de Khuza'a. Un homme de Khuza'a. Ba'atha 'aynan lahu min Khuza'a. Wa fi riwayatin li Ahmad rahimahullahu ta'ala annahu Busr ibn Sufyan. هذا العين الذي ذهب يتحسس الأخبار هو بسر ابن سفيان الكعب الخزاعي وقيل بشر بسر أو بشر. Donc celui qui a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca pour prendre les informations se prénomme Busr ibn Sufyan al-Khuza'i radiallahu anhu. Ils ont donc avancé jusqu'à atteindre un endroit qui s'appelle Rawha. À cet endroit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé qu'il y avait des ennemis qui complotaient afin de l'attaquer en chemin. Auprès d'un coin d'eau de Bani Rifa. Entre Mecca et Al-Madina. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un ensemble de compagnons pour aller à la rencontre et voir où ils se trouvent. Et avec eux, il a envoyé Abu Qatada. Abu Qatada, lui, n'était pas en état d'ihram. Mais les autres, oui. Et en chemin, ils ont trouvé un zèbre. Abu Qatada l'a donc chassé et l'a amené. Et vous savez que celui qui est en état d'ihram, est-ce qu'il a le droit de chasser ou pas? Est-ce qu'il a le droit d'aider à la chasse ou pas? Est-ce qu'il a le droit de demander à ce qu'on chasse pour lui ou pas? Non. Celui qui est en état d'ihram, il lui est interdit à Saïd. La chasse lui est interdite. Quant à Abu Qatada, lui, il n'était pas en état d'ihram. Il a donc chassé ce zèbre. Est-ce qu'on a le droit de manger du zèbre? Est-ce qu'on a le droit de manger de l'âne? El-Hima. Nous n'avons pas le droit de manger du Hima. Et ماذا الحمار الوحشي. Donc là on l'appelle الحمار الأهلي. Et الحمار الوحشي, le zèbre, est-ce que c'est halal ou pas? Oui. نعم, il nous est licite. T'as déjà mangé du zèbre? Non. Qui a déjà mangé du zèbre? On mange du zèbre en France, ça existe? Adam, t'as déjà mangé du zèbre? Non. Est-ce qu'on a le droit de manger du requin, Adam? Le requin, il vit où? T'as jamais croisé de requin? Pourquoi? Il vit où, le requin? Il vit dans l'eau, dans la mer. Ce qui est de la mer, c'est halal. Hein? T'as déjà mangé du requin, Hassan? Moi, j'ai déjà mangé du requin. Donc, ils ont apporté cela au prophète, alayhi salatu wassalam, et ils en ont mangé. Car Abu Qatada, radiallahu anhu, n'a pas commis de faute. Il n'était pas en état d'ihram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sahaba sont arrivés par la suite à un endroit qu'on appelle Usfan. Et à cet endroit, il a rencontré Busr ibn Sufyan. Qui est Busr ibn Sufyan? Celui que le prophète alayhi salatu wassalam avait envoyé à Mecca. Donc il a arrivé à cet endroit, Usfan, Busr, a rencontré à nouveau le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'a informé de ce qu'avait comme intention Quraysh. Il a dit au prophète alayhi salatu wassalam que Quraysh a été informé de la sortie du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons. Et ils l'attendent à un endroit qu'on appelle Zoukoua. Et ils ont juré et ont pris l'engagement chez Allah de ne jamais te laisser entrer. Ils ont pris l'engagement avec Allah de ne jamais te laisser entrer. Ahadullah. Et il y a en Tali'a Khalid ibn al-Walid. C'est quoi Tali'a du Jaysh? C'est ceux qui, c'est l'avant-garde. Na'am, ou bien plutôt ceux qui sortent en avance en éclairant le petit groupe du bataillon qui sort en avance. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu et un groupe parmi Quraysh étaient sortis et ils attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leur monture à Qura' al-Ghamim, un endroit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est attristé de l'état de Quraysh. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour les combattre? Non. Il est sorti pour visiter la maison sacrée, pour accomplir la Umrah, pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Mais eux veulent le combattre et l'empêcher d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a dit, Ya wayha Quraysh, malheur à Quraysh, une expression semblable. Laqad akalat humul harb. وماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit malheur à Quraysh. Et en quoi est-ce que ça leur a fait, yani en quoi est-ce qu'ils auraient été touchés d'un mal s'ils m'avaient laissé entre moi et les autres parmi les Arabes? Parce que Quraysh avait engrainé les différentes tribus de Mecca et l'Ahabish, les autres tribus, et ceux avec qui ils avaient un pacte, et ont lancé une rumeur pour monter les gens contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sahaba, et les pousser à les empêcher d'entrer. Quelle est cette rumeur? Ils vont transgresser le périmètre sacré, le mois sacré, et ils vont manquer de respect à la maison sacrée, et tout, yani ce genre de paroles. C'est ainsi qu'ils montent les peuples contre leurs personnes vertueuses, avec le mensonge, avec les rumeurs, wal'iyadhu billah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été attristé de l'état et de la réaction de Quraysh et a dit des paroles dont le résumé est que s'il le laissait avancer, soit il l'emportera, alors ils seront nombreux, ils pourront entrer en islam, ou ils seront nombreux, ils pourront le combattre. Puis il a juré par Allah qu'il ne délaissera jamais ce avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, jusqu'à ce qu'Allah lui donne la victoire, ou jusqu'à ce qu'il perde la vie. Puis il a dit aux compagnons radiallahu anhum, Ashiru ilay. Comme à son habitude, Shawara sahab. Il a consulté ses compagnons. Et leur a dit, dites-moi ce que vous voyez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, a dit, changeons de chemin, afin de ne pas croiser Khalid ibn Walid, ainsi il n'y aura pas de combat et on pourra atteindre notre but. Puis il a demandé aux compagnons ce que eux voyaient. L'imam al-Bukhari, donc ce qu'on a cité avant, c'est dans lequel l'imam Ahmed, avec une bonne chaîne de transmission, appuyé par un hadith qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, donc le prophète sallam a demandé conseil, ou bien a consulté ses compagnons. Soit il y aura le combat, soit il les évite, soit. Alors Abu Bakr, radiallahu anhu, s'est levé et a dit au message d'Allah, nous sommes sortis et notre but c'est la maison sacrée. Nous ne sommes pas sortis pour les combattre. Donc nous allons rester sur notre objectif et celui qui vient pour nous combattre, on le combattra. Celui qui nous empêche, celui qui cherchera à nous empêcher d'atteindre notre objectif, lui, on le combattra. Alors le prophète sallam a dit, Umdo ala smillah. Avancez, bismillah. Au nom d'Allah. فأخذ ذات اليمين وغير الطريق. نعم. il a donc changé sa trajectoire, son chemin, et a pris un autre chemin par la droite. C'est-à-dire qu'il a pris un chemin qui n'est pas le chemin habituel, qui n'est pas le chemin aplani et facile, sur lequel l'attendait Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu. Khalid ibn al-Walid n'a donc pas eu connaissance de leur passage, car ils ont emprunté un autre chemin. Et lorsque Khalid ibn al-Walid s'est rendu compte qu'ils les avaient dépassés, et en prenant un autre chemin, il a envoyé un émissaire pour appeler Quraysh, pour avertir Quraysh et les avertir de ce qui se passait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui connaît le chemin de l'Hanbal? Qui connaît le chemin de l'Hanbal pour ne pas passer par Khalid radiallahu anhu? Et pour revenir à Abi Saïd al-Khudri radiallahu anhu, ils ont attendu jusqu'à ce que le soleil se couche. Et de nuit, ils ont emprunté ce chemin. Donc c'est un chemin rempli de tortuosité, c'est un chemin difficile, très difficile d'accès. Et le but est de rejoindre Mada, un autre chemin qui se trouvait entre deux montagnes. Vous imaginez? Donc ils vont passer dans un chemin qui n'est pas un chemin en réalité, pour rejoindre un chemin qui se trouve entre deux montagnes pour pouvoir atteindre l'Hudaybiyah et continuer leur masir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce qu'il y a un homme qui va descendre pour emprunter ce chemin? Quel est le but? Il précède les montures pour tâter le chemin et informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sahaba au cas où il y a un problème. Est-ce que c'est compris? Au cas où il y a un problème. Il y a une chose qui fait qu'on ne peut pas passer par là, il faut plutôt passer par là. Ou bien il y a un danger. Alors un homme est descendu. Et il a marché. Et à chaque fois qu'il s'avançait, il se retrouvait en danger. Les pierres tombaient et lui faisaient mal aux pieds. Et les pics ou bien les branches accrochaient ses vêtements. Alors, il s'en fallait de peu pour qu'il tombe. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de remonter sur la monture. Puis, un autre homme est descendu et a pris sa place. Et ça se passait ainsi. Et par la suite, ils ont pu retrouver le chemin qui emmenait à Al-Hudaybiyah lorsqu'ils sont arrivés à Thaniyah. Thaniyah, c'est le chemin entre deux montagnes. Donc ceux, ils ont atteint leur but, Naam, et se sont réjouis. Ils sont donc arrivés à Al-Hanbal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit aux compagnons: votre exemple est semblable à l'exemple de Banu Israël lorsqu'on leur a dit: passez par la porte et dites Hitta, et on vous pardonnera vos péchés. Naam, en référence au verset dans Surat al-Baqarah. Quel est le verset? C'est quoi le début du verset? Qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. C'est quoi le début? Utkhulul baba sujada. Avant ça, cherchez le verset, vous me dites. Donc on a dit à Banu Israël d'entrer par la porte, prosterner, ou bien de se baisser, et de dire Hitta. Eux, ils ont changé le terme. On leur a dit: rentrez ainsi et dites ce mot-là, on vous pardonne vos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: votre exemple en passant par ce chemin est semblable à Banu Israël lorsqu'on leur a dit cela. C'est-à-dire, tous ceux qui passeront par là, Allah va leur pardonner. Il les a encouragés. Et il leur a dit, la yajouz, et la yujawiz. Il leur a dit, personne parmi vous ne dépassera cet endroit-là. Hadi layla, hadi thaniya illa ghufira lah. Vous avez entendu? Personne ne traversera cet espace entre les deux montagnes sans qu'Allah lui pardonne ses péchés. Que s'est-il passé? Les compagnons se sont empressés et ils se sont dépêchés et ils se sont concurrencés à un point où le rapporteur du hadith nous dit au point où certains étaient les uns sur les autres. Au point où certains étaient les uns sur les autres. Pourquoi? Tous voulaient ce fadl. Quelle chose qu'Allah leur pardonne leurs péchés. Tu entends de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui traverse cela, Allah lui pardonne ses péchés. Ici, il s'agit de sahaba. Ils ne vont pas dire, est-ce que c'est wajib, est-ce que c'est mustahab, est-ce qu'il y a un khilaf? Non. Sami'na wa ata'na. C'est cela que nous connaissons d'eux, c'est de cela qu'Allah Azza wa Jal, c'est par cela qu'Allah Azza wa Jal les a élevés. Ils se sont donc empressés au point de se monter les uns sur les autres. Le dernier qui transgressa, Al-Thaniya, est Qatada ibn al-Nu'man. Qatada, radiallahu anhu. Le verset. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Et rappelez-vous lorsque nous dîmes, entrez dans cette ville et mangez-y à l'envi où il vous plaira, mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela et donneront davantage de récompenses pour les bienfaisants. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Mais à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Dans Sourate Al-Baqara, le verset 259, si je ne me trompe pas, 258. Le premier, donc les premiers à avoir franchi cela, étaient les gens de Bani al-Khazraj, puis ils se sont succédés. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Kullukum maghfurun lah illa sahib al-jamal al-ahmar. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes tous pardonnés, sauf l'homme au chameau roux. Sauf l'homme au chameau roux. Qui était cet homme-là? C'était une des têtes des hypocrites. C'était une des têtes des hypocrites. Et à leur habitude, détenteurs des plus mauvais comportements. Détenteurs des plus mauvais comportements. Cet homme-là, c'est Al-Jadd ibn al-Qais. Al-Jadd ibn al-Qais. Les compagnons sont venus le voir et ils lui ont dit, Ta'al, yastaghfir laka Rasulullah. Viens, le messager d'Allah va demander pour pardon en ta faveur. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? La an ajida dallati ahabbu ilay. Ahabbu ilay min an yastaghfir li rasul. Sahibukum. Wal 'iyad billah. Il a répondu de retrouver ce que j'ai perdu, c'est-à-dire il avait perdu un chameau, une monture. De retrouver ma monture, mais préférable à ce que votre compagnon demande pardon à Allah ma faveur. Il n'a pas dit notre compagnon ou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit sahibukum. Hein? لِتَعْلَمْ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ أَخْبَثُ النَّاسِ وَأَقَلُّ النَّاسِ تَأَدُّبًا مَعَ اللَّهِ ثُمَّ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ عَبَادِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ. Afin que tu saches que les hypocrites sont ceux qui ont le plus mauvais comportement envers Allah, puis son messager, puis sallallahu alayhi wa sallam, puis ses serviteurs croyants. Puis il y a eu qissatu al-qaswa. Al-qaswa, qui est al-qaswa? Hein? L'histoire d'al-qaswa. Al-qaswa, c'est la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, lorsqu'ils ont voulu descendre, al-qaswa barakat. Elle s'est assise. Elle ne voulait plus avancer. Par moment, le chameau ou la chamelle prend place et il ne veut plus avancer. Il ne veut plus avancer. Alors les gens ont dit hal, hal. C'est une expression que tu dis au chameau pour lui dire d'avancer. Pour lui dire d'avancer. Puis les gens ont dit khala'at al-qaswa. Yani al-qaswa n'avancera plus. Elle ne veut plus avancer. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القسوة وما ذاك لها بخلق. Le prophète صلى الله عليه وسلم a défendu la chamelle. Le prophète صلى الله عليه وسلم a défendu la chamelle et il a dit ما خلأت القسوة. Ce que vous dites à son sujet est inexact et cela n'est pas son comportement. Allahu Akbar. En parlant de qui? De la chamelle. Si ça c'est le comportement du prophète صلى الله عليه وسلم envers sa chamelle, que dire lorsqu'on parle d'un croyant? Que dire lorsqu'on entend une kalima sur un croyant? Comment est-ce qu'on va défendre son ird? Comment est-ce qu'on va défendre son honneur? Ça, c'est le comportement du meilleur des hommes de l'humanité, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit, habasaha habisul fil. Ce qui l'a retenu est la même chose qui a retenu l'éléphant. L'éléphant d'Abraha dans l'histoire de Mada, lorsqu'il a voulu détruire Al-Ka'ba. Puis le prophète sallam a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, ils ne me demanderont pas aujourd'hui une chose par laquelle on immensifie les yani hurumatillah, comment est-ce qu'on va traduire, les préceptes sacrés d'Allah, illa ataytuhu iyahu. Ils ne m'en demanderont pas aujourd'hui une chose dans laquelle il y a l'immensification des mada, des signes d'Allah, sans que je ne leur accorde cela. Les savants disent, c'est-à-dire s'ils me demandent une conciliation ou bien un pacte, ou yani par lequel on va éviter de combattre dans le haram, dans le périmètre sacré, alors je leur accorderai cela. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a zajara an-naqa, yani il a dit à la chamelle de se bouger, et la chamelle s'est levée et a avancé sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont pu donc avancer également. وصل المسلمون إلى الحديبية. Les croyants sont arrivés à Al-Hudaybiyya. Dans l'état que vous pouvez imaginer, rempli de fatigue et assoiffé, car ils n'ont pas pris la route habituelle. Comme vous l'avez compris, ils sont passés par les montagnes et ainsi de suite. Ils étaient assoiffés et ils ont trouvé un coin d'eau. Mais dans le coin d'eau, il y avait très peu d'eau. Dans le puits, il y avait très peu d'eau. Comme c'est rapporté par l'imam Al-Bukhari dans le hadith de Miswar ibn Makhramah radiyallahu anhu. Alors ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus, ils se sont rafraîchis quelque peu. Il y avait très peu d'eau. Alors ils sont partis se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur soif. Alors il a sorti une flèche de son étui. Et a envoyé un compagnon afin qu'il plante cette flèche dans le puits. Que s'est-il passé? L'eau a jailli. Naam, l'eau a jailli, et ça c'est un des miracles que Allah Azza wa Jalla a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont pu tous par la suite se rafraîchir. Ils ont pu boire wartaw jami'an. Dans une des versions de l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé un peu de cette eau. Il l'a bu, s'est rincé la bouche, l'a rejeté dedans, ça s'est mélangé. En plus, yani, d'abord cela, ça s'est mélangé. Il a fait dua et l'eau a jailli. Et l'eau a jailli. Comment unir entre ces différentes versions? C'est que le prophète alayhi salatu wassalam a fait l'ensemble. Il a envoyé un compagnon. Ibn Ishaq dit qu'il s'appelle Nadiya Ibn Jundub. C'est-à-dire le compagnon qui est descendu dans le puits pour planter cette flèche est Nadiya Ibn Jundub radiyallahu anhu. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a pris de cette eau, s'est rincé la bouche et l'a rejetée. Ainsi l'eau a jailli, elle est sortie et les compagnons ont pu boire. Et on a comparé cela à la chamelle lorsqu'elle veut boire. Elle se met au sol, elle boit et elle se repose, puis elle reboit à nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'eau qu'ils ont pu boire jusqu'à se désaltérer totalement. Quelle fut la position de Quraysh lorsqu'ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé à l'Hudaybiyah? Ils ont monté les différentes tribus arabes contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en mentant sur lui, en disant qu'il va transgresser le périmètre sacré et qu'il va faire la guerre dans le périmètre sacré et qu'il est venu, il ne respecte pas le Kaaba et ainsi de suite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un émissaire pour leur dire qu'il n'est pas venu pour le combat. Il n'est pas venu pour faire la guerre, mais pour faire l'Umrah et visiter la maison sacrée d'Allah. Asma al-Adhan. Donc nous disions que Kuffar Quraysh ont poussé les différentes tribus arabes à empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer à Mecca et l'empêcher d'accomplir sa Umra en inventant et en mentant à son sujet, en disant qu'il ne respecte pas le périmètre sacré et qu'il est venu et il veut faire la guerre au haram et ceci et cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un messager à Mecca pour informer les différentes tribus arabes qu'il n'est pas venu pour combattre, mais il est venu pour visiter la maison sacrée d'Allah, pour accomplir Al-Umra, et qu'il n'est pas venu pour combattre. Il a donc envoyé Khirash ibn Umayya. Il a envoyé Khirash ibn Umayya radiallahu anhu, comme l'a rapporté Ahmed. Faja'a Makkata faghadaru bih. Il est venu, lorsque Khirash est arrivé à Mecca, ils l'ont trahi et ils l'ont capturé. Ils l'ont trahi et l'ont capturé. Arada Quraysh qatlahu. Quraysh ont voulu le tuer. Ils ont voulu l'assassiner. Mais l'Ahabish, les différentes tribus qui étaient alliées à Quraysh, les ont empêchés. Ils les ont empêchés. Il est venu pour faire l'Umra. Il est venu pour transmettre un message et vous voulez le tuer. Ils se sont mis entre les deux et ils les ont empêchés de tuer Khirash radiallahu anhu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Omar ibn Khattab pour l'envoyer à Mecca en tant qu'émissaire à son tour. Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'il sera à Mecca, ils vont lui faire du mal. Parce qu'il n'a pas la place qu'il faut d'entre les tribus pour avoir une sécurité. Donc s'il va à Mecca, ça sera problématique. Il a donc dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que je vois, c'est que tu envoies celui qui a la plus grande place à Quraysh et celui qui pourra être protégé chez Quraysh. Qui est cet homme-là? Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan. Alors Omar ibn Khattab a suggéré cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté la parole de Uthman radiallahu anhu. Uthman ibn Affan a été donc convoqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a envoyé. Il l'a envoyé à Mecca. Uthman ibn Affan radiallahu anhu est donc parti à Mecca pour transmettre le message. du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu pour faire la guerre, il est venu pour visiter Al-Bayt al-Haram et accomplir Al-Umrah. Lorsque Othman est arrivé à Mecca, il a rencontré Aban ibn Sa'id ibn al-As. Aban ibn Sa'id ibn al-As. Il est descendu de sa monture, il lui a accordé l'hospitalité, il l'a fait monter sur sa monture et il lui a accordé le jiwar. Il l'a mis sous sa protection, il a dit personne touche à Othman. Personne touche à Othman radiallahu anhu. Puis il est parti voir les grands de Quraysh, Abu Sufyan et les autres. Et il leur a transmis le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils l'ont vu ainsi, en état d'ihram, ils lui ont dit « Inshita fatouf ». Ils lui ont dit « Si tu veux, toi, fais le tawaf. Si tu veux, toi, fais le tawaf. » Ils lui ont permis de faire le tawaf. Imaginez un homme qui est sorti de Mecca, qui a fait la hijra, qui n'a pas revu le Kaaba depuis toutes ces années. Il revient à Mecca. Sa terre, on lui dit « Si tu veux, fais le tawaf. » Combien de gens, combien d'argent les gens dépensent pour aller voir Al-Kaaba, pour faire Al-Umrah, pour faire le Hajj? Combien ils dépensent? Uthman ibn Affan est au pied de la Kaaba. Kuffar Quraysh lui dit, fais le tawaf. Qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur dit, moi, devancer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela? Jamais. Ça, c'est le comportement des sahaba. Jamais ne devance le prophète alayhi wa sallam. Il leur a dit, jamais je ne devancerai le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela. Il ne m'appartient pas de faire et tawaf avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait tawaf. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retenu Othman et l'ont empêché de revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les émissaires sont revenus au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer, pour dire que Othman a été retenu, mais il y a eu un problème. C'est qu'ils n'ont, ils ont mal transmis l'information. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Qutila Othman ». Othman s'est fait assassiner. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il a réuni les sahabes. Et il leur a dit de lui prêter allégeance. Ils lui ont tous prêté allégeance. Et Othman n'était pas là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa main. Il a sorti son autre main. Il a tapé dans sa main. Il a dit « Hadihi yadu Othman ». Il a dit « Ça, c'est la main de Othman ». Il a dit « Celle-ci, c'est la main de Othman ». Et les gens ont dit « La main du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la place de la main de Othman dans sa main est meilleure que la main des sahabes dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Yani makruma, makruma li Othman ibn Affan radiallahu anhu. Et c'est ça la cause de Bay'atul Ridwan. C'est ça la cause qu'ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils se trouvaient alors sous un arbre. Il se trouvait alors sous un arbre. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان تحت الشجرة. Où s'est passé al-bay'a? Où est-ce qu'ils lui ont prêté allégeance? Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran, ça a eu lieu sous un arbre. Ça a eu lieu sous un arbre. Dans Surat Al-Fath, le verset 18, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. On va finir après salat, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah wa ba'd. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Othman ibn Affan radiallahu anhu à Mecca, ils lui ont dit qu'il pouvait faire le tawaf, mais il a refusé de devancer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela. Ils l'ont retenu. Si ce n'est que l'information qui est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'ils ont assassiné Othman. Or, cette information était erronée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux gens de lui prêter allégeance, se sont réunis et lui ont prêté allégeance. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran que ces gens-là, ces compagnons-là, Allah est satisfait d'eux. Ils ont une place toute particulière. Ahlu bay'atir ridwan. Les gens qui ont prêté allégeance sous l'arbre ont une place toute particulière parmi les compagnons. À ces gens-là, on a pardonné leurs péchés. À ces gens-là, on a pardonné leurs péchés. Ils étaient plus de 1400. Ils ont tous prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous cet arbre qui était un samoura, comme le rapport de Jabir ibn Abdullah dans le recueil d'imam Muslim. Personne n'a fait défaut à cela sauf Uthman car il est à Mecca et un homme parmi les hypocrites. Dans le recueil de l'imam Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Uthman est wa fi hajatillahi wa hajati rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa daraba bi ihda yadayhi ala al-ukhra wa qala hadhihi li Uthman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de Uthman et a utilisé sa propre main à la place de la main de Uthman et a tapé dans sa main en disant: voici la part de Uthman, voici la main de Uthman. Et l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mentionne une histoire qui vient appuyer cette information du fait qu'il y a une faiblesse dans le hadith précédent. L'imam Bukhari rapporte une histoire, c'est un homme qui est venu de Misr, d'Égypte. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu un groupe d'hommes, et il a vu une personne âgée parmi eux. Et il a dit, qui sont ces gens-là et qui est cette personne âgée? On lui a dit, هذا Abdullah ibn Omar, صاحب رسول الله sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhuma. On lui a dit, cet homme c'est Abdullah ibn Omar, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors cet homme qui est arrivé de Misr a dit, ya Abd Omar, inni sa'iluk an shay, oh Abdullah, je vais te questionner sur une chose, fahadithni, informe-moi. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. وهل تعلم أنه تغيب عن بدر؟ قال نعم. ولم يشهد؟ قال نعم. قال وهل تعلم أنه تغيب عن البيعة أو عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. فقال الرجل الله أكبر. فلما أراد أن ينصرف قال له ابن عمر تعال. Un homme est venu voir Abdullah ibn Omar lorsqu'il avait pris de l'âge. Il arrivait de Misr, d'Égypte, et il lui a dit, je vais te poser des questions, informe-moi de cela. Premièrement, est-ce que tu es au courant que Uthman a pris la fuite le jour de la bataille de Uhud? Abdullah ibn Omar a dit oui. Puis l'homme lui a dit, deuxième question, est-ce que tu es au courant que Uthman n'a pas participé à la bataille de Badr? Alors Abdullah ibn Omar a dit oui. Puis il lui a dit, est-ce que tu es au courant que Uthman n'a pas été présent à l'allégeance de Ridwan? Abdullah ibn Omar a dit oui. L'homme a dit, Allahu Akbar. C'est un homme qui avait des ambiguïtés. Puis lorsqu'il a voulu partir, Abdullah ibn Omar lui a dit, viens et écoute. Il lui a dit, viens et écoute. Je vais t'expliquer cela. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد غفر له. أشهد أن الله عفى عنه وغفر له. Quant à la fuite du jour de la bataille de Uhud, j'atteste qu'Allah a absous cela et lui a pardonné. Parce que dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jalla mentionne la bataille de Uhud, il nous dit « وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ » Allah leur a pardonné. Est-ce que tu peux venir parler sur quelqu'un qu'Allah a pardonné? Un groupe parmi les compagnons sont partis le jour de la bataille de Uhud. Naam, Allah Azza wa Jalla leur a pardonné dans le Coran. Donc tu ne peux pas parler sur un sahabi radiallahu anhu. Deuxièmement, quant au fait qu'il n'est pas assisté à la bataille de Badr, c'est parce qu'il y avait sous sa responsabilité son épouse qui était la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était malade. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Reste avec elle et on t'inscrit comme une personne de la bataille de Badr et tu as ta part. » Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit de rester à Al-Madinah pour s'occuper de son épouse qui était malade. Elle est d'ailleurs décédée des suites de sa maladie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laka ajru man shahida Badr » Tu as la récompense de celui qui a participé à la bataille de Badr et tu as une part. Quant au fait qu'il n'ait pas assisté à l'allégeance prêtée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'allégeance de Ridwan, s'il y avait une personne plus noble pour aller à Mecca, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait envoyé à la place de Uthman. Mais il a envoyé Uthman. Donc il a expliqué pourquoi est-ce que Uthman n'a pas participé à l'allégeance. Wa shahid ici, puis il a pris sa main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens prêtent allégeance, il a pris sa main. Il a tapé dans sa main. Et il a dit ça, c'est la main de Uthman. Et il a dit, celle-ci est la main de Uthman. Puis Abdullah ibn Omar a dit à l'homme, idhhab al-an biha. Abdullah ibn Omar a dit à l'homme, maintenant pars avec ce que je viens de te dire. Dire, arrête de parler sur Uthman. Tu avais des ambiguïtés. Avec la science, j'ai réfuté ces ambiguïtés. Maintenant, il ne faut plus parler sur Uthman radiallahu anhu. Et c'est ainsi que se comportent les ulama. Lorsque la choubha, l'ambiguïté leur vient, naam, il la rejette avec l'ilm. Par contre, lorsque les ambiguïtés se propagent dans la masse et chez les ignorants, ça fait des dégâts. C'est pour cela qu'il ne faut pas écouter les ambiguïtés.